Crapman, Quoi, mon ami la mouche? j'ai une question à te poser, mais c'est un peu gênant. Ben voyons, la mouche. Vas-y, pose-la. Oui, mais tu sais, ça concerne les sentiments. Ah ben, vas-y. Je me demandais, comme ça fait longtemps qu'on est ensemble et que tu m'as jamais vraiment dit que tu m'aimais, je te le demande maintenant. Est-ce que tu m'aimes? Ben, franchement, c'est quoi cette question-là? Ben oui, la mouche, tu sais bien. Alors dis-le. Ben, tu le sais, pas de besoin de te le dire. Oui, mais dis-le quand même, je veux l'entendre. Ben, je t'aime. Quoi? Je t'aime. Dis-le donc plus clairement. Je t'aime, la mouche. Ouais, on dirait que tu parles comme Roger. Ben là, décide-toi. Tu voulais l'entendre clairement. Oui, mais tu dis que tu m'aimes, mais tu m'as jamais fait de chanson d'amour. Ben là, tu me l'as jamais demandé. Comme si c'était moi qui devrais te le demander. Ah. S'il vous plaît. D'accord. Ben justement, je dois t'avouer. Je t'ai déjà écrit une chanson d'amour il y a longtemps. Mais j'ai jamais osé te chanter parce que j'étais ben trop gêné. Ah, oh, vraiment? Oui, mais là, je vais la jouer. Ah, oh, merci, Crapman. Tu es vraiment celle que j'aime, tu es tellement belle, avec tes deux antennes, tes six pattes me font rêver la nuit dans mon lit, comme j'aimerais toujours pouvoir les caresser. Merci, Crabman. C'était vraiment gentil. Ah ben moi aussi, la mouche, je suis content. Bon, il est temps, on va aller manger.